بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Nous poursuivons donc inshallah avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala donc le chapitre concernant Siyam al-Tatawwu, donc le jeûne surérogatoire. Donc lors du dernier cours, nous avions vu quelques formes de jeûne surérogatoire, notamment le jeûne de Daoud alayhi salam. Nous avions vu que c'était le meilleur en ce qui concerne donc la manière de jeûner en termes de fréquence. C'est donc un jour jeûné et un jour non jeûné. Nous avions vu aussi que la meilleure période après le mois de Ramadan, donc de jeûne, est le mois de Al-Muharram, qui est le premier mois de l'année lunaire. Et nous avions aussi vu qu'il n'y avait pas une période pendant laquelle les œuvres étaient aussi aimées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que la période des 10 premiers jours de Dhul-Hijjah. Les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah, il est donc légiféré de jeûner durant cette période, tout comme il est légiféré donc d'augmenter toutes les formes de bonnes actions. Il n'y avait pas de hadith authentique concernant le fait de spécifier cette période par le jeûne plus que par autre action. Mais le jeûne est recommandé dans le sens où toute bonne action est recommandée durant cette période plus qu'elle ne l'est pendant le reste de l'année, wallah a'lam. Et quand on voulait dire 10 jours de jeûne, c'est en réalité les 9 premiers jours simplement. Le 10e jour, c'est le jour donc d'Al-Eid, c'est le jour d'Eid al-Adha. Donc il est interdit de jeûner, comme on va le voir aujourd'hui, inshallah. Nous avions aussi vu les vertus, donc les récompenses du jeûne des 6 jours de Shawwal. Nous avions donné des règles par rapport à cela. Donc le mieux, c'était de jeûner ces 6 jours-là à partir du 2e jour de Shawwal, donc le lendemain de Eid al-Fitr. Il était permis donc de les séparer tout au cours du mois. Mais le mieux, c'est de les jeûner consécutivement à partir du 2e jour de Shawwal. Et nous avions aussi vu donc le jeûne de Ashura, qui est donc le 10e jour de Al-Muharram, donc du premier mois de l'année lunaire. Donc il est aussi recommandé de jeûner avec le jour de Ashura, le jour de Tasu'a, qui est le 9e jour d'Al-Muharram. Donc il y a 2 manières de le jeûner. La première, qui est la meilleure, c'est jeûner le 10e jour Ashura avec le 9e jour Tasu'a. Et en deçà de cette manière-là, il y a le jeûne de Ashura seul. Et Allah a'lam, la formule donc consistant à jeûner 9, 10 et 11 n'est pas Allah a'lam légiféré à la base, sauf s'il y a besoin, notamment si on n'est pas sûr de l'entrée du mois et donc on hésite, est-ce que le jour de Ashura est bien donc déterminé, alors il est légiféré de jeûner le 9, 10 et 11 pour être sûr, inshallah, d'avoir jeûné le jour de Ashura. Mais sinon, à la base, il y a 2 formules, 9 et 10, ou bien le 10e jour tout seul. Et parmi les récompenses donc de cette journée-là, si elle est jeûnée, c'est qu'elle donc expie, inshallah, les péchés de l'année précédente. Nous avions vu aussi le jeûne du jour de Arafah, qui est le 9e jour du mois de Dhul-Hijjah. Donc c'est la veille de Eid al-Adha. Ce jour-là aussi, il est légiféré de le jeûner pour la personne qui n'est pas sur les rites du pèlerinage, qui n'est pas à Arafah. Et inshallah, la récompense pour celui qui le jeûne, bihaulillahi azza wa jal, c'est que cette journée-là, inshallah, permet l'expiation donc de 1 an de péché, donc de l'année précédente et de l'année suivante, inshallah. Mais il n'est pas légiféré pour celui qui est à Arafah donc de jeûner cette journée-là, comme nous l'avions vu. Du moins, il n'est pas recommandé. On ne dit pas qu'il n'est pas légiféré, mais plutôt on dit qu'il n'est pas recommandé. L'auteur avait aussi cité donc Ayyamul Bid, donc les journées des nuits blanches, qui sont le 13, 14 et 15 de chaque mois lunaire. Il est recommandé de les jeûner, comme nous avions vu dans le hadith d'Abu Dar, radiallahu anhu, et de même le lundi et le jeudi, il est recommandé de jeûner ces 2 journées-là, comme nous l'avions vu. Il dit ensuite, rahmallah, donc l'imam Ibn Qudama, rahmatullah alayhi, dit « Wassa'imul mutatawwi'u amiru nafsihi, wa insha'a sam, wa insha'a aftar, wa la qada'a alayhi. » Il dit « Wassa'imul mutatawwi'. » Donc le jeûneur de manière recommandée, celui qui jeûne un jeûne recommandé, « Amiru nafsihi. » Donc il est le chef de lui-même, Il est le commandant de lui-même. Wa insha asam, s'il veut, il poursuit son jeûne. Wa insha aftar, et s'il veut, il peut le rompre. Wa la qada'a alayh, et il ne lui est pas demandé de rattraper cette journée. Donc qu'est-ce que veut dire l'imam Ibn Qudam à travers cette expression? C'est que celui qui a entamé donc un jeûne surérogatoire, donc on ne parle pas de jeûne obligatoire, comme le qada, donc le rattrapage d'une journée de Ramadan, ou bien un jeûne de nadr, donc un jeûne qui est dû à une promesse, ou bien un jeûne de kafara qui a été entamé, donc qui est aussi un jeûne obligatoire, un jeûne pour se rattraper d'une faute qu'on aurait fait suivant les règles connues dans le fiqh. Donc celui qui aurait entamé une journée de jeûne recommandée, il lui est permis, donc s'il le veut, de poursuivre cette journée-là, ou s'il le veut, de la rompre. Mais bien sûr, on verra que, comme on va le voir, le mieux pour une ibadah, pour une adoration qui a été entamée, c'est de la continuer, sauf si bien sûr il y a une raison, comme on va le voir, incha'Allah. Il dit « Wala qada'a alayh » et il ne doit pas rattraper cette journée-là. Donc de quoi est-ce qu'il est de... Quelle source est-ce qu'il a tiré cela, rahimahullah? Donc, selon quoi il est permis pour celui qui a entamé une journée de jeûne surérogatoire de la rompre? Des hadiths suivants. Donc le premier, c'est le hadith de Ummu Hani, radiyallahu anha. عن أم هانئ رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فدعا بشراب فشرب ثم ناولها فشربت فقالت يا رسول الله أما إني كنت صائمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر رواه أحمد والترمذي وصححه رواه أحمد والترمذي والنسائي. Donc أم هانئ رضي الله عنها dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est entré chez elle et il a demandé une boisson. Et il but. Puis il lui donna cette boisson-là et elle but à son tour. Puis elle dit, ô messager d'Allah, quant à moi, j'étais en état de jeûne. Donc avant de boire, elle était en état de jeûne. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors, le jeûneur qui est en état de jeûne recommandé, as-sa'imu al-mutatawwi', donc le jeûne qui est en jeûne surérogatoire, amiru nafsihi, il est le commandant de lui-même. Insha asam, s'il veut, il poursuit son jeûne, wa insha aftar, et s'il veut, le rompt. Rapporté par Ahmed al-Tirmidhi al-Nasa'i. Il y a quand même une divergence assez forte sur l'authenticité de ce hadith-là, mais de nombreux savants l'authentifient, wallah a'lam. Le hadith suivant aussi, donc il est clair et il est authentique. On va le voir, insha'Allah, donc selon lequel il est permis de rompre son jeûne. Si jamais c'est un jeûne surérogatoire, bien sûr. An Aisha radiallahu anha, Ummi al-Mu'minin. قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء فقلنا لا قال فإني إذن صائم ثم أتانا يوما آخر فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيس فقال أرنيه فلقد أصبحت صائما أرنيه فلقد أصبحت صائما فأكل رواه مسلم. Donc Aïcha radiallahu anha, elle rapporte ce hadith suivant, on l'avait vu dans le premier cours, lorsqu'on avait étudié l'intention du jeûne surérogatoire, comme quoi il était permis d'émettre l'intention de jeûner, donc un jeûne surérogatoire après le lever du Fajr. Car le prophète, alayhi salatu wassalam, comme on va le voir ici, donc il va demander de la nourriture à ses épouses, et elles vont dire qu'ils n'ont rien. Donc il va dire, je suis donc en état de jeûne. C'est à ce moment-là donc il a contracté l'intention de jeûner. Mais bien sûr, il n'avait rien mangé ou bu auparavant. Donc il était en état d'abstinence jusqu'à ce moment-là où il a mis l'intention donc de jeûner du fait qu'il n'y avait rien à manger à la maison. Donc selon Aïcha radiallahu anha, la mère des croyants, elle dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam donc rentra un jour et il dit, avez-vous quelque chose? Donc nous dîmes non. Elle n'avait rien à proposer au prophète alayhi salatu wassalam. Il a dit, je suis donc en état de jeûne. Donc il n'avait pas l'intention de jeûner juste auparavant, mais à ce moment-là, lorsqu'il vit qu'il n'y avait rien à manger, il dit, je suis donc en état de jeûne. Puis il vint à nous un autre jour, et nous avons dit, ô messager d'Allah, on nous a donné en cadeau haysun, donc du hays. Le hays, c'est une forme de nourriture qui est faite de dattes et de beurre mélangés, qui existait au temps du prophète alayhi salatu wassalam et qui se fait encore Allah alam aujourd'hui. Il dit alors, le prophète alayhi salatu wassalam, montre-le-moi, donc montre-moi ce hays, ce plat de dattes et de beurre mélangé, car je suis ce matin en état de jeûne. Et il mangea alors. lorsqu'il vit ce plat, il en mangea, alayhi salatu wa salam. Rapporté par Muslim. An-Nasa'i, dans une version de ce hadith-là, il a rajouté « Innama mathalu sawmi al-mutatawwi'i mathalu ar-rajuli yukhriju min malihi sadaqah fa in sha'a amdaha wa in sha'a habisaha » An-Nasa'i l'a rajouté donc dans le même hadith, donc un ajout, selon lequel le prophète alayhi salatu wa salam a dit « L'exemple donc du jeûneur en état de jeûne recommandé est l'exemple de la personne donc il a sorti de son argent une sadaqa, s'il veut, donc il la donne, et s'il veut, il ne la donne pas. » Donc quelqu'un qui est en état de sadaqa et qui veut sortir de l'argent. Et cet argent-là, donc il l'a sorti, mais il ne l'a pas encore donné à la personne qui la prend dans ses mains. Au moment où il veut la sortir, donc s'il veut, il la donne, il poursuit sa sadaqa, et s'il veut, donc il lui est permis de ne pas la poursuivre. Donc le prophète alayhi salatu wa salam a fait ressembler donc le jeûneur en état de jeûne recommandé à la personne qui sortait donc une sadaqa recommandée aussi. Donc on arrive à un point donc par rapport à ces hadiths-là, c'est qu'il est permis de rompre son jeûne. Mais le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr, lorsqu'il entame une ibada, il fait partie de la discipline envers notre Seigneur, de la continuer. Donc c'est pour ça que les savants, ils disent, il faut quand même qu'il y ait une raison valable, même si c'est permis à la base de rompre. Mais ça ne fait pas partie de l'état de servitude de commencer une journée et se dire, tiens, bon, je vais la rompre comme ça, sans raison valable. Même si c'est permis, donc comme on a dit par rapport à ces preuves-là, certains savants disent que ce n'est pas permis par rapport au verset d'Allah subhanahu wa ta'ala, « وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَلَكُمْ » et n'annulez pas vos œuvres. Mais il est clair que le contexte donc, de ce verset, qui est à la fin de Sourate Muhammad, c'est « N'annulez pas vos œuvres par la ridda, par l'apostasie. » Comme c'est clair par rapport au contexte dans lequel est cité ce verset-là. Donc par rapport au hadith qu'on a dit auparavant, il est permis, inshallah, de rompre son jeûne. Mais il est quand même mieux de le poursuivre, sauf s'il y a une raison. Donc on arrive à un point qui est lorsque le jeûneur est invité. Lorsque quelqu'un qui est en état de jeûne est invité donc par son frère Allah subhanahu wa ta'ala, par un musulman de manière générale, donc lorsque le jeûneur est invité, qu'est-ce qu'il doit faire? Donc la première chose, wallahu a'lam, c'est informer qu'on est en état de jeûne. Donc d'abord, on va différencier le jeûne obligatoire et le jeûne surrogatoire. Si je suis en jeûne obligatoire, il ne me sera jamais permis de rompre ce jeûne-là. Donc, j'informe la personne en lui disant « Inni sa'im ». Je suis en état de jeûne. Donc ça, si je suis en état de jeûne obligatoire. Si je suis en état de jeûne surrogatoire, certains savants disent encore que je dis « Inni sa'im ». Donc, je suis en état de jeûne. Notamment si je sais que la personne ne va pas avoir le cœur brisé et n'éprouve rien par rapport au fait que je suis en état de jeûne et que je ne réponde pas à l'invitation. Donc, la première chose, c'est informer qu'on est en état de jeûne. Si jamais donc je crains fortement que cette personne-là ait le cœur brisé et que ça la dérange que je ne réponde pas à l'invitation, je ne dis pas que je suis en état de jeûne et je réponds à l'invitation. Mais le fait de répondre à l'invitation, toujours, ne m'empêche pas de répondre à l'invitation tout en étant en état de jeûne. Donc je peux aller à l'invitation et jeûner là-bas. Car le fait de répondre à l'invitation n'implique pas obligatoirement de manger. Et une fois que je suis sur place, si je suis en état de jeûne et que ça ne fait rien à la personne, je reste en état de jeûne et je fais une invocation pour cette personne-là, une invocation pour la personne, où certains ont dit encore que je prie deux unités de prière, comme l'a fait le prophète alayhi salatu wassalam chez Umm Sulaym, radiyallahu anha. On va voir ça dans le hadith suivant. Et si jamais donc, je réponds à l'invitation et que donc je dois rompre mon jeûne parce que vraiment ça risque de blesser la personne et de créer des problèmes entre moi et cette personne-là, alors, Inch'Allah, il m'est permis de rompre mon jeûne. Bien sûr, comme nous avons dit, si c'est un jeûne surérogatoire. Donc, il y a de nombreux hadiths qui nous permettent de prouver ce que nous avons dit auparavant. Donc, le premier, c'est un hadith qui va donc légiférer le fait de dire « je suis en état de jeûne » à quelqu'un qui nous invite. Donc si c'est un jeûne obligatoire, je dois lui dire et je ne peux pas répondre à son invitation. Et comme nous avons dit, si c'est un jeûne obligatoire, je lui dis quand même, Et après, donc si jamais je vois que ça risque de briser son cœur ou qu'il n'est vraiment pas content et qu'il insiste, Inch'Allah, pour ne pas créer de problème, je réponds à l'invitation. Et une fois que j'ai répondu à l'invitation, ensuite encore, je regarde est-ce que la situation me permet de poursuivre mon jeûne. Si jamais il risque d'y avoir problème ou bien que mon frère trouve du désagrément, alors il vaut mieux que je rompe mon jeûne. Et même certains savants disent que c'est obligatoire à ce moment-là. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقول إني صائم أخرجه مسلم. أبو هريرة رضي الله عنه rapporte que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit lorsque l'un d'entre vous est invité donc à une nourriture et qu'il est en état de jeûne qu'il dise إني صائم je suis en état de jeûne donc qu'il dise je suis en état de jeûne rapporté par Muslim. Donc le prophète, alayhi salatu wasalam, ici n'a pas détaillé est-ce que la personne est en état de jeûne obligatoire ou surérogatoire. C'est pour ça que certains savants ont dit qu'on le dit de manière absolue, que je sois en état de jeûne obligatoire ou bien en état de jeûne surérogatoire. Mais si jamais je sais qu'il y a un problème qui découle du fait que je lui dise que je suis en état de jeûne, si je suis en état de jeûne surobligatoire, alors si je suis en état de jeûne surérogatoire, je ne dis pas « inni sa'im ». Je réponds tout de suite à l'invitation. Allah a'lam. L'imam al-Nawawi a dit « قوله صلى الله عليه وسلم فيما إذا دعي وهو صائم فليقول إني صائم محمول على أنه يقول له اعتذارا له وإعلاما بحاله وليس الصوم عذرا في إجابة الدعوة ولكن إذا حضر لا يلزمه الأكل. » Il dit l'imam Nawawi, la parole du prophète alayhi salatu wassalam, concernant quelqu'un qui est invité en état de jeûne, qu'il dise « je suis en état de jeûne », il a dit ceci, c'est interprété dans le sens où il lui dit par excuse. Donc lorsque tu dis « inni sa'im », c'est dans le sens « excuse-moi, je ne peux pas venir donc à ton invitation ». Mais il a dit « le jeûne, ce n'est pas une excuse pour ne pas aller à l'invitation ». Donc si la personne insiste, donc alors il faut que j'aille à l'invitation. Donc si la personne me dit « c'est bon, tu es en état de jeûne, ce n'est pas grave, alors tu ne viens pas là, ce n'est pas grave, Inch'Allah, il n'y a pas de problème. » Donc Alhamdoulilah, c'est une permission de mon inviteur, de celui qui m'invite, donc je ne vais pas à l'invitation. Mais si jamais la personne veut que je vienne, ou bien même ne me donne pas la permission de ne pas venir, répondre à l'invitation est toujours un droit de mon frère sur moi-même. Donc, je dois répondre à l'invitation. Mais qu'est-ce que dit l'imam Nawawi ? Walakin idha hadara la yalzamuhu al-akl. Mais si jamais tu es présent, donc dans la cérémonie, inshallah, où il y a à manger, tu n'es pas obligé donc de manger. Car le droit de ton frère sur toi, c'est de répondre à son invitation. Et si tu y vas même en état de jeûne, tu as certes répondu à son invitation. Donc, une fois que j'ai répondu à l'invitation, et que je suis en état de jeûne, ici alors, si jamais je garde mon état de jeûne, je fais une dua pour la personne, comme c'est cité dans le hadith suivant. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجيب فإن كان صائما فليصلي وإن كان مفطرا فليطعم رواه مسلم. Donc Abu Huraira radiyallahu anhu dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Si l'un d'entre vous est invité, qu'il réponde. » Donc il faut répondre. Il dit ensuite « Si jamais il est en état de jeûne, qu'il fasse une prière. Et si donc il est en état de rupture, alors qu'il mange. » Rapporté par Muslim. Et dans une version d'Ibn Omar radiyallahu anhuma « Wa in kana sa'iman falyad'u. » Et si jamais il est en état de jeûne, qu'il fasse une invocation. Donc certains savants ont dit que tu fais une invocation en demandant la baraka, la bénédiction pour la personne qui est invitée. D'autres ont dit que tu demandes al-marfirah, le pardon pour la personne qui est invitée. Et d'autres ont interprété donc la dua par le fait de faire une prière comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait dans le hadith suivant. عن أنس رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سليم فأتته بتمر وسمن قال أعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه فإني صائم ثم قام إلى ناحية من البيت فصلى غير المكتوبة فدعا لأم سليم وأهل بيتها متفق عليه. أنس رضي الله عنه دي le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré chez Ummi Sulaym. Elle lui a apporté des dattes et du beurre. Puis, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, donc remettez votre beurre donc dans sa cruche, car le beurre était mis donc dans une cruche en terre à l'époque, et vos dattes dans vos récipients. Remettez votre beurre dans sa cruche et vos dattes dans son récipient, car je suis en état de jeûne. Donc le prophète alayhi salatu wa sallam a dit qu'il était en état de jeûne, et notamment il savait que Ummu Sulaym, les gens de cette maison, n'allaient pas être vexés par le fait qu'il est en état de jeûne et qu'il ne mange pas ce qui leur a été proposé. Donc si jamais je suis invité par quelqu'un qui, je sais, s'il me pose quelque chose, ça ne va pas, le fait que je n'en mange pas, ça ne va pas lui briser le cœur et qu'il ne va pas trouver donc de désagrément à cela, Inch'Allah, il m'est permis de poursuivre mon jeûne, et c'est même le mieux, comme le prophète alayhi salatu wa sallam l'a fait avec Ummu Sulaym, qui était une personne donc, dont il savait qu'elle n'allait pas se vexer et avoir le cœur brisé par le fait que le prophète alayhi salatu wa sallam poursuive son jeûne. Qu'est-ce qu'a fait ensuite donc le prophète alayhi salatu wa sallam? Anas radiallahu anhu nous dit: thumma qama ila nahiyatin min al-bayt. Donc le prophète alayhi salatu wa sallam s'est levé et allé dans un coin de la maison. Et il est allé dans un coin de la maison, fassalla ghayr al-maktouba, et il a prié donc une prière autre que l'obligatoire. Fada'a li Ummi Sulaym, il a donc fait une invocation pour Ummu Sulaym et les gens de sa maison. Donc les savants ont dit, ont pris de ce hadith-là que tu fais une invocation, et d'autres ont dit carrément que tu fais deux raka'at, donc deux unités de prière, comme l'a fait le prophète alayhi salatu wa sallam, donc dans ce hadith-là. Donc ça, c'est si tu es invité et que tu es en état de jeûne et que tu refuses donc la nourriture qui t'est proposée, tu fais une invocation pour les gens de la maison. Il t'est même permis de faire deux raka'at, wallah alam, par rapport au hadith de Ummu Sulaym. Donc, et si jamais la personne risque d'avoir le cœur brisé, qu'elle insiste, Inch'Allah, bihaoulillah azawajal, pour réunir les cœurs et, Inch'Allah, renforcer la fraternité et éviter toute dispute entre mon frère et moi-même, Inch'Allah, donc je mange à la nourriture qui m'est posée, si c'est un jeûne surérogatoire, et si c'est un jeûne obligatoire, il ne m'est pas permis de rompre le jeûne. Et Cheikh Al-Othaymine a dit que, dans son charh de Sahih Muslim, il a dit que certaines personnes intelligentes arrivent à répondre donc aux invitations à ne pas manger alors qu'ils sont en état de jeûne. Il a donné l'exemple d'une personne donc qui se met tout de suite au service des gens et qui commence à couper le pain, à verser l'eau, à remplir les verres et à se mettre au service des gens. Et les gens ne vont pas se rendre compte donc qu'il est en état de jeûne, et il va être au service tout le long donc de l'assise, et les gens ne vont pas se rendre compte qu'il était en état de jeûne. Et cette personne-là, donc par cette astuce-là, alhamdoulilah, a pu poursuivre son jeûne. Wallah a'lam. Donc l'imam Ibn Qudama a dit « Wala qada'a alayh ». Donc la personne qui a rompu son jeûne ne doit pas rattraper cette journée. Donc si je jeûne un jour, un jeudi, et qu'on m'invite, après la prière du dhuhr, à manger avec des frères pour m'asseoir, et le frère insiste, il dit « Non, il faut vraiment que tu viennes, tout le monde veut que tu sois là, si tu ne viens pas, ça va gâcher l'assise, on veut vraiment que tu viennes manger et boire avec nous. » Donc je réponds à l'invitation, et si jamais j'ai mangé, alors pendant cette assise-là, je ne dois pas rattraper cette journée, Wallah alam, car il n'y a pas de preuve authentique dans le Coran et la Sunna demandant à ce que le jeûneur ayant brisé son jeûne, ayant rompu son jeûne, doit rattraper cette journée-là. Il dit ensuite l'imam Ibn Qudama, wa kadhalika sa'iru tatawwu'i, et de même pour toutes les actions donc surérogatoires. Donc de même pour celui qui commence deux raka'a. Pour quelqu'un qui commence deux raka'a, deux unités de prière surérogatoires, il lui est permis donc de les arrêter. C'est par exemple ma mère m'appelle mathalan. De même là, il y a détail. Donc si jamais je suis en train de faire deux unités de prière et que ma mère m'appelle, ou bien mon père m'appelle. Donc il est à la base demandé de répondre à l'appel des parents. Mais là, je suis en prière. Si je sais que mes parents, si je ne réponds pas tout de suite et que dans les trois minutes qui suivent après avoir donc fini ma prière, je leur dis « Abi, Oumi, j'étais en prière », ils vont me dire « Ah ben, c'est pas grave, d'accord, on comprend pourquoi tu n'as pas répondu. » Je poursuis ma prière. « Walillah alhamd. » Il m'est permis de poursuivre ma prière. Mais si je sais que c'est des parents qui risquent d'avoir le cœur brisé, de se mettre en colère après, contre moi parce que je n'ai pas répondu tout de suite, même si je leur dis que j'étais dans une prière surérogatoire, Alors à ce moment-là, je dois couper ma prière et répondre à mes parents. Et ceci est tiré du hadith de Jurayj, qui était en prière et que sa mère a appelé une fois, puis deux fois, et la troisième fois, elle a dit « Allahumma la tumidhu hatta yara wujuh al-mumisat »« Oh Allah, ne le fais pas mourir jusqu'à ce qu'il voit le visage des prostituées. » Comme vous savez, ensuite il a été donc accusé par une femme de Ben Israël, une prostituée, d'avoir donc forniqué avec elle, car elle est tombée enceinte et elle a mis au monde l'enfant, et les gens lui ont dit « De qui provient cet enfant ?» Elle a dit « Min Jurayj ». Il provient de Jurayj, qui était un homme pieux, qui était toujours donc dans un endroit où il priait. Donc les gens sont venus, ont détruit sa sawma'a, ils ont détruit donc son minaret, et ils l'ont pris. Il leur a dit « Pourquoi est-ce que, qu'est-ce que vous faites avec moi ?» Ils ont dit « Tu as forniqué avec telle femme et elle a eu elle a enfanté de toi. » Et lorsque ils l'ont pris, et qu'il tournait avec lui dans la ville, il a vu le visage des prostituées et l'invocation de sa mère a été exaucée. Puis ensuite, vous connaissez l'histoire, il a été amené à cette prostituée-là, il a pris le bébé et il a donc mis l'index donc sur le ventre de cet enfant-là, il a piqué le ventre de l'enfant avec son index et auparavant il a dit « Laissez-moi faire une prière ». Il a prié, puis a pris l'enfant et l'a piqué avec son index dans le ventre, et lui a dit « Men abouk, qui est ton père ?» Il a dit « C'est le berger. » Allah subhanahu wa ta'ala a fait parler cet enfant donc, dans le berceau, afin d'innocenter Jurayj. Donc le fait qu'il n'ait pas répondu alors qu'il était en prière, Jurayj, vous avez vu que l'invocation de sa mère qui était en colère a été exaucée. Mais si je suis en prière obligatoire, et que mes parents m'appellent, je dois obligatoirement finir ma prière pour ensuite leur répondre. Je dois finir ma prière et ensuite leur répondre. Mais je ne peux pas couper une prière obligatoire pour répondre à mes parents. Et donc, de même, toute action. L'imam Ibn Qudama dit « وَكَذَلِكَ سَائِرُ التَّطَوَّعُ » Donc, si jamais je suis en prière surrogatoire, je peux donc la rompre, etc. Toute forme de ibada, il dit « إِلَّا الْحَجْ » Sauf le hajj, donc sauf le pèlerinage, « وَالْعُمْرَ » Et de même la Umrah, donc le grand pèlerinage et le petit pèlerinage, ne peuvent pas être donc rompus en cours de route, même s'ils sont surérogatoires, même si c'est un hajj surérogatoire, même si c'est une Umrah surérogatoire. Je ne peux pas donc les rompre, car Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa atimmu al-hajja wa al-umrata lillah » Surat al-Baqarah, verset 196. Allah Azza wa Jalla dit « wa atimmu » donc « et compléter le hajj et la umra pour Allah ». Donc ici, c'est une obligation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala de compléter le hajj et la umra. Il dit ensuite « rahimahullah »« Illa al-hajj wa al-umra fa innahu yajibu itmamuhuma wa qada'u ma fasada minhuma » Donc il est obligatoire de compléter le hajj et la umra et donc de rattraper le hajj ou bien la umra si jamais ils ont été annulés. Donc ces règles du hajj, on ne rentre pas dedans en détail hein, car elles sont étudiées, inshallah, dans le chapitre du hajj. وَنَهَا رَسُولُ اللَّهِ Il dit ensuite, رَحِمَهُ اللَّهِ Ibn Qudama dit, رَحْمَتُ وَنَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَنْ صَوْمِ يَوْمَيْنِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الْأَضْحَى وَنَهَا عَنْ صِيَامِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ Donc le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a interdit de jeûner deux jours. Le jour d'Al-Fitr, donc qui est Eid al-Fitr, le premier jour de Shawwal, donc le lendemain du mois de Ramadan, wa yawm al-Adha, et aussi donc le jour de la fête du sacrifice de Al-Adha, qui est le dixième jour de Dhul-Hijjah. Et il a interdit aussi, wa naha an siyami ayyam al-Tashriq, et il a interdit de jeûner les jours de al-Tashriq. Donc concernant d'abord le jour de Yawm al-Fitr, Eid al-Fitr, la fête d'Al-Fitr qui est le premier jour de Shawwal, donc la fête qui a lieu après le jour de après le mois de Ramadan. Ainsi que l'interdiction de jeûner Eid al-Adha qui est la fête après donc Arafah, après le jour de Arafah, donc c'est le dixième jour de Dhul-Hijjah. C'est le jour où on égorge donc Al-Udhiyah. Mais Al-Udhiyah peut être égorgé aussi après. Mais le premier jour à partir duquel il est permis d'égorger l'Udhiya, donc notre bête que l'on sacrifie pour Allah Azza wa Jal, c'est le dixième jour de Dhul Hijjah et c'est Eid al-Adha. Donc Eid al-Fitr et Eid al-Adha, Eid al-Fitr et Eid al-Adha, ce sont deux jours. Eid al-Fitr dure un jour, c'est le premier jour de Shawwal, c'est le lendemain du mois de Ramadan, et Eid al-Adha, c'est le dixième jour de Dhul Hijjah. Donc les deux Eid ne durent qu'une journée chacun, ne durent pas trois jours comme certains pensent. Donc le hadith prouvant qu'il est interdit de jeûner ces deux journées-là, عن أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صوم يومين يوم الفطر ويوم النحر متفق عليه. أبو سعيد رضي الله عنه donc rapporte que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a interdit de jeûner deux jours, donc le jour d'Al Fitr et le jour d'Al Nahr, le jour du sacrifice unanimement reconnu authentique. Donc ces deux journées-là, ces deux fêtes, il est interdit pour les personnes de jeûner ces deux fêtes-là, comme il est mentionné dans le hadith d'Abi Saïd. Et concernant donc Ayyam al-Tashriq, les jours de al-Tashriq, pourquoi on appelle ça Ayyam al-Tashriq d'abord? Il y a deux paroles principales citées par les savants. Certains disent les anna tusharraqu fiha al-adahi, parce que les viandes donc sont mises au soleil, souvent elles étaient salées et mises au soleil, tusharraqu fiha al-adahi, donc on met les viandes au soleil. Et d'autres savants disent les anna al-udhiyata la tunharu illa ba'da ash-shuruq, parce que donc la bête ne peut être égorgée si ce n'est après le lever du soleil. Donc ça c'est deux explications pourquoi ce que l'on appelle ces journées-là ayyamu at-tashriq. Donc dans le hadith suivant, il est mentionné l'interdiction de jeûner ces trois jours-là. Car ayyamu at-tashriq, ce sont trois jours, le 11, le 12 et le 13 de Dhul-Hijjah. Eid al-Adha, donc la fête du sacrifice, c'est le 10 de Dhul-Hijjah. Le lendemain, le 11, puis le surlendemain, le 12, ainsi que le surlendemain, le 13, donc 11, 12, 13, ce sont des jours qu'il n'est pas permis de jeûner. Donc Ayyam al-Tashriq, c'est le 11, 12 et 13, ce sont les trois jours qui suivent la fête de Al-Adha. Certains pensent que le jour de Al-Adha, donc le 10 de Dhul-Hijjah, fait partie de Ayyam al-Tashriq. Donc ils pensent que c'est le 10, 11, 12. Et certains vont jeûner ensuite, donc les jours des nuits blanches, 13, 14 et 15 de Dhul-Hijjah. Non, il n'est pas permis de jeûner le 13, donc de Dhul-Hijjah, même si c'est une journée des nuits blanches, car le 13 fait partie de Ayyam al-Tashriq. C'en est d'ailleurs la dernière journée. Donc Ayyam al-Tashriq, je répète, c'est le 11, 12 et 13 de Dhul-Hijjah. On dit Dhul-Hijjah ou bien Dhul-Hajjah. Dhul-Hijjah, Dhul-Hajjah. Dhul-Hijjah, c'est mieux que Dhul-Hajjah, mais les deux sont permis. Aussi, on dit Dhul-Qi'dah et Dhul-Qa'dah. Et Dhul-Qa'dah, c'est mieux que Dhul-Qi'dah. Donc Dhul-Qa'dah avec le fath, c'est mieux que Dhul-Qi'dah avec le kasr au niveau du qaf. Dhul-Hijjah avec le kasr, c'est mieux que Dhul-Hajjah avec le fath, mais les quatre manières sont permises. عن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله رواه مسلم. نبيشة الهذلي رضي الله عنه dit que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit les jours de التشريق sont des jours pour manger, boire et l'évocation d'Allah, rapporté par Muslim. Donc il est de manière claire, dit dans ce hadith-là que ces journées-là sont pour manger, boire et évoquer le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ceci n'implique pas obligatoirement l'interdiction, donc de les jeûner. Donc du hadith suivant, on va tirer, inshallah, l'interdiction claire de jeûner ces journées-là. عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي رواه البخاري. Donc عائشة ابن عمر رضي الله عنهما disent tous deux, il n'a pas été permis de jeûner les jours de Tashriq, sauf pour celui qui ne trouve pas Al-Hadi, donc la bête à sacrifier lorsqu'il est dans le rite du Hajj, rapporté par Al-Bukhari. Donc à la base, il n'est pas permis de jeûner ces journées-là. Comme c'est mentionné ici de manière claire, il n'a pas été permis de jeûner les jours de Tashriq. Donc ça, c'est la règle de base. Il est haram de jeûner le 11, le 12 et le 13 du mois de Dhul-Hijjah. Illa liman lam yajid al-hadi, sauf pour celui qui ne trouve pas de bête à sacrifier bien sûr, là-bas, dans le pèlerinage. Pas ici, celui qui ne trouve pas ici donc de bête à sacrifier, il ne lui est pas demandé de jeûner parce qu'il n'a pas trouvé de bête à sacrifier. Le hadith est rapporté par Al-Bukhari. Donc c'est pour ça que l'imam Ibn Qudama, rahimahullah, a dit « Illa annahu rukhisa fi sawmiha lil mutamatti'i idha lam yajid il hadi » Il a dit c'est pour cela qu'il est permis donc de jeûner les journées de tashriq à celui qui est en état de tamattu', donc c'est une des trois formes possibles de hajj, at-tamattu'. Et pour celui qui est dans cet état-là, donc de tamattu', et qui ne trouve pas de hadi, il lui est permis alors de jeûner ces journées-là, s'il ne trouve pas de hadi, de bête à sacrifier. Donc ça, ce sont des points qu'on étudie dans la porte du hajj. Il dit ensuite, rahimahullah, wa laylatul qadri fil witri fil ashri al awakhir min ramadan. Et la nuit d'al-qadr se trouve donc dans les 10 dernières nuits impaires du mois de ramadan. Donc ici, par cette dernière expression, il étudie en fin de chapitre, donc Laylatul Qadr. Laylatul Qadr, qui est une nuit, donc, masha'Allah, une nuit magnifique qui comporte beaucoup de récompenses et que le musulman, insha'Allah, doit essayer d'atteindre en faisant des efforts durant les dernières nuits donc du mois de Ramadan, car elle comporte des récompenses exceptionnelles. Donc on va étudier plusieurs points par rapport à Laylatul Qadr. Laylatul Qadr. D'abord, pourquoi est-ce qu'elle a été appelée Laylatul Qadr? Donc son nom se trouve dans le Coran. Il y a même une surah qui s'appelle Surat al-Qadr. Inna anzalnahu fi Laylatul Qadr wa ma adraka ma Laylatul Qadr. Laylatul Qadr khairun min alf shahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Donc cette surah là, ce chapitre là s'appelle le chapitre de Al-Qadr. Et Al-Qadr, il y a plusieurs explications au fait que cette nuit-là s'appelle Al-Qadr. Donc Al-Qadr, certains disent minat taqdir, donc la prédestination. Parce que durant cette nuit-là, Allah subhanahu wa ta'ala tranche la prédestination qui va se faire pendant cette année-là. Comme il est dit, yufraqu fiha kullu amrin hakim. Durant cette nuit-là, donc tout ordre sage y est tranché. C'est une année, c'est une nuit pendant laquelle il y a le taqdir sanawi. Donc on avait vu dans un dars Maratib al-Qadr, les différents degrés d'al-Qadr, et notamment Anwa'u al-Taqdir, les différentes formes de prédestination. Et il y a la prédestination annuelle qui se fait pendant la nuit de al-Qadr. Donc pendant cette nuit-là, Allah subhanahu wa ta'ala descend tout ce qui va se passer dans cette année-là. Qui va naître, qui va mourir, qu'est-ce que chacun va manger, boire, etc. Les divorces qu'il va y avoir, les accidents, tout ce qui va se passer dans cette année-là, à ce moment-là, c'est prédestiné pendant cette nuit-là. Donc certains savants disent que al-Qadr huna min al-Taqdir, que le mot al-Qadr ici vient de la prédestiné. D'autres disent al-Qadr min al-Dayq. فَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et quant à celui dont on a rendu étroit, donc la subsistance. Et l'étroitesse ici viendrait du fait qu'il y a beaucoup, beaucoup d'anges, comme on va le voir, ils sont au nombre, donc du nombre de cailloux. Il y a autant d'anges qu'il y a de hasa, de cailloux dans la planète Terre. Donc Allah subhanahu wa ta'ala rend étroit à ce moment-là. Donc la Terre devient étroite pour les anges, car ils sont extrêmement nombreux. D'autres disent que c'est même de al-qima, la valeur, al-sharaf, l'honneur. Car celui qui, incha'Allah, arrive à atteindre cette nuit-là et adore Allah subhanahu wa ta'ala, donc lors de cette nuit, il va gagner, comme on va le voir, 80 années, incha'Allah. Plus de 80 années d'adoration. Donc c'est quelqu'un qui va désormais avoir un grand statut auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a d'autres encore explications, wallah a'lam, donc au terme al-qadr. On peut dire al-qadr avec un soukoun sur le del et al-qadar avec un fath avec une fatha sur le del. Allah a'lam. Donc cette nuit-là, dans quel mois est-ce qu'elle se trouve? Dans le mois de Ramadan. Dans le mois de Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala dit shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Le mois de Ramadan pendant lequel a été descendu le Qur'an. Et Allah dit inna anzalnahu fi laylatil qadr. Certes, nous l'avons fait descendre pendant la nuit de Al-Qadr. Donc le Coran est descendu dans ce verset-là, dans la nuit d'Al-Qadr. Et dans le verset que nous avons cité précédemment, il est descendu pendant le mois de Ramadan, ce qui prouve que la nuit de Al-Qadr se trouve pendant le mois de Ramadan. Donc ça, c'est la ville plus authentique. Et certains savants disent qu'elle se trouve durant toute l'année. Mais ce qui est le plus authentique et dont on est certain, c'est qu'elle se trouve pendant le mois de Ramadan, comme on l'a cité par rapport à ces deux versets-là. Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, disait que celui qui se lève pendant toute l'année atteindra la nuit d'Al-Qadr. Ubay ibn Ka'b disait ça parce qu'il voulait que les gens ne délaissent pas le qiyam pendant toute l'année. Car celui qui atteint la nuit d'Al-Qadr, qui est certain d'avoir veillé la nuit d'Al-Qadr parce qu'il y avait les signes clairs de la nuit d'Al-Qadr, comme on va le voir. Est-ce qu'il délaisse le qiyam ensuite, pendant toute l'année? Non, bien sûr. Donc Ibn Mas'ud, afin que les gens ne délaissent pas le qiyam pendant toute l'année, disait cela, que celui qui se lève toute l'année atteindra, inshallah, la nuit d'Al-Qadr. Donc la ville plus authentique, c'est qu'elle se trouve pendant le mois de Ramadan. Et elle se trouve dans quelle partie du mois de Ramadan? Certains hadiths disent les dix dernières nuits, sans préciser. D'autres disent les sept dernières nuits. D'autres disent les dix dernières nuits impaires. Donc on va citer quelques hadiths et essayer de voir la ville plus authentique, qui est celui d'ailleurs donné par l'imam Ibn Qudama, Inch'Allah, qui est donc les dix dernières nuits impaires. Les dix dernières nuits impair. Mais qu'est-ce qu'on entend par impair? C'est là où on va voir qu'il y a une petite problématique, Inch'Allah, et on va voir ce qu'ont dit les savants par rapport à cela. Donc le premier hadith, « An Aisha radiallahu anha, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam aqal, taharraw laylat al-qadri fil witri min al-ashar al-awakhir min Ramadan. » Raw al-Bukhari. Donc Aisha radiallahu anha dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Recherchez la nuit d'al-qadr dans les dix dernières nuits impaires du mois de Ramadan, rapporté par Al-Bukhari. » Donc ici, le hadith est clair, il est rapporté par Al-Bukhari, donc il est authentique. Le prophète, alayhi salatu wa sallam, ordonne de rechercher la nuit d'Al-Qadr dans les dix dernières nuits impaires du mois de Ramadan. Donc, il n'y a pas dix nuits impaires, mais dans les nuits impaires, dix dernières nuits. Donc, la nuit du 21, la nuit du 23, la nuit du 25, la nuit du 27, la nuit du 29. Il n'y a pas de nuit du 31, car le mois s'arrête à 30 maximum. Donc par rapport à ce hadith-là, 21, 23, 25, 27, 29 sont. Donc ça, ce sont les cinq nuits qui se trouvent dans les dix dernières nuits, lorsqu'on prend que les nuits impaires. Mais le hadith qu'on va citer là, ensuite, il va poser la petite problématique qu'on a dit, on va voir. Les savants, qu'est-ce qu'ils ont dit par rapport à cela? An Abi Bakr radiyallahu anhu, annahu sami'a Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul iltamisuha fi 90 baqin aw 70 baqin aw 50 baqin aw 30 baqin aw akhir laylah. Rawahu Ahmad wa Tirmidhi wa sahaha. Donc Abu Bakr radiyallahu anhu, il dit avoir entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: Recherchez-la lorsqu'il reste neuf nuits, ou bien lorsqu'il reste sept nuits, ou bien cinq nuits, ou bien trois nuits, ou bien la dernière nuit. Rapporté par Ahmed al-Tirmidhi, qui l'a authentifié. Donc ici, le prophète, alayhi salatu wasalam, dit « Recherchez-la lorsqu'il reste neuf nuits, ou bien sept, ou bien cinq, ou bien trois, ou bien une nuit. » Mais on sait que le mois peut durer 29 ou bien 30. Il peut durer 29 ou bien 30. Si jamais le mois dure 29 jours, ce qu'on ne sait pas à l'avance, par rapport à ce hadith-là, donc il faut rechercher la nuit d'Al-Qadr, donc dans la dernière nuit, c'est le 29. Dans trois nuits restantes, c'est 27, trois nuits restantes, donc il reste le 29, le 28 et la nuit du 27. Dans cinq nuits restantes, c'est la 25. Dans 7 nuits restantes, c'est la 23. Dans 9 nuits restantes, c'est la 21. Donc on retombe sur le hadith qui dit « Recherchez-la dans les nuits impaires des 10 dernières nuits. » Mais si jamais le mois dure 30 jours. Donc si le mois dure 30 jours et qu'on doit la rechercher dans une nuit restante, donc c'est la nuit du 30. dans trois nuits restantes, c'est la nuit du 28. Dans cinq nuits restantes, c'est la nuit du 26. Dans sept nuits restantes, c'est la nuit du 24. Dans neuf nuits restantes, c'est la nuit du 22. Lorsque le mois dure 30 jours, une nuit restante, c'est 30. Trois nuits restantes, c'est 28. Cinq nuits restantes, c'est 26. Sept nuits restantes, c'est 24. Neuf nuits restantes, c'est 22. Donc, par rapport à ce hadith-là, donc l'imparité, elle commence à partir de la fin du mois. Donc, si le mois dure 29 jours, l'imparité est la même que lorsqu'on fait le décompte à partir du début du mois. Mais si le mois dure 30 jours, alors l'imparité des nuits, hein, elle n'est pas la même que si on fait le décompte donc à partir du début du mois. Donc, si on compte à partir du début du mois, les nuits impaires seront 21, 23, 25, 27, 29. Mais si on compte à partir de la fin du mois qui dure 30 jours, les nuits impaires seront 30, 28, 26, 24 et 22. Donc, si le mois dure 30 jours, les savants répondent ici, certains savants ont dit que les 10 dernières nuits sont toutes impaires. Donc, elle peut être dans n'importe quelle nuit. Donc, c'est pour ça qu'on a certains hadiths où le prophète, alayhi salatu wassalam, dit aussi, donc, recherchez-la dans les 10 dernières nuits sans préciser impair ou pair. Wallahu a'lam, donc il faut faire l'effort donc, de rechercher la nuit d'Al-Qadr vraiment dans toutes les 10 dernières nuits, bihaoulillahi azza wa jal. Vraiment dans les 10 dernières nuits de manière totale, wallahu a'lam, en commençant du 21. Vraiment de 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30 si jamais il y a une nuit qui est ajoutée. Et donc cette nuit-là, elle a de nombreuses récompenses. Hein, de nombreuses récompenses. Hein, parmi celles-ci, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Laylatul qadr khayrum min alf shahr » La nuit d'Al-Qadr est meilleure, donc elle est meilleure que 1000 mois. Et 1000 mois, c'est un peu plus que 80 années. 80 années de ibadah. Et les savants ont dit 80 années, donc c'est une ressemblance dans la récompense, mais pas 80 années avec des Laylat al-Qadr dedans, avec des nuits d'Al-Qadr dedans. Donc ces 80 années, on ne compte pas les Laylat al-Qadr qu'il y a dedans. Hein, ce sont des années sans la nuit d'Al-Qadr. Donc ça, c'est une première récompense. C'est une première récompense immense de cette nuit-là. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'équivalent de plus de 80 ans, Allah Akbar, d'adoration. Ça, c'est une première récompense immense. Ce qui doit nous pousser, Inch'Allah, à faire des efforts, bihawlillahi azza wa jal, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, le tout miséricordieux, Inch'Allah, de faire des veillées, des du'as, des invocations, demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, de se lever cette nuit-là pour pouvoir, Inch'Allah, obtenir cette récompense magnifique. Une autre récompense, c'est le pardon des péchés. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne les péchés d'une personne qui donc, s'est levée pendant cette nuit-là. Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde, pardonne les péchés, petits et même grands, Inch'Allah, comme nous avons vu, il y a divergence là-dessus, mais il n'est pas trop pour notre Seigneur tout miséricordieux, Inch'Allah, de pardonner même les grands péchés. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه الجماعة إلا ابن ماجة أبو هريرة رضي الله عنه donc rapporte que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit celui qui se lève donc durant la nuit d'Al-Qadr par foi et en espérant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala ses péchés lui seront pardonnés rapporté par Al-Jama'a, sauf Ibn Majah. Donc rapporté par Al-Bukhari et Muslim, Ahmed Al-Tirmidhi, Al-Nasa'i et Abu Dawood. Donc rapporté par les sept, sauf Ibn Majah. Donc ce hadith, il est magnifique et il nous montre qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos péchés, bihawlillahi azza wa jal. Ainsi nous nous levons durant cette nuit-là, bien sûr par sincérité, en visant seulement et uniquement le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette nuit-là, elle a donc des signes qui permettent de la reconnaître. Il y a des signes qui permettent de reconnaître la nuit d'Al-Qadr. Donc il y a des signes qui nous permettent de reconnaître que c'est la nuit d'Al-Qadr pendant la nuit, et aussi il y a des signes après, donc le lever du soleil, qui nous permettent, Inch'Allah, de juger que c'était effectivement la nuit d'Al-Qadr. Et la nuit d'Al-Qadr, hein, il y a une très forte divergence à ce niveau-là. Il y a plus de 40 paroles sur la nuit d'Al-Qadr, hein, sur quelle nuit c'est réellement. Al-Hafidh ibn Hajar, rahmatullah alayh, dans son livre Al-Fath al-Bari, il dit qu'il y a plus de 40 paroles, hein, sur la nuit d'Al-Qadr. Quelle nuit est-elle? Et l'avis le plus authentique, wallah alam, c'est que c'est une nuit qui se déplace pendant les 10 dernières nuits. Donc ça peut être le 21 cette année, ça peut être le 22 l'autre année, le 23 l'année suivante, ça revient à la 21 l'année suivante, ça, elle part à la nuit du 29 l'année suivante, etc. Elle peut être à n'importe quelle nuit, donc des 10 dernières nuits. Comme nous avons vu, elle peut être le 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ou 30, par rapport à l'explication notamment du hadith qui dit « Recherchez-la dans les 9 nuits restantes, les 7 nuits restantes, 5 nuits restantes, 3 nuits restantes ou bien la dernière nuit. » Donc on va citer quelques hadiths par rapport à cette nuit-là, à ces signes-là. « An ibn Abbas radiyallahu anhuma an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam fi laylatil qadr. » Donc il dit « Laylatun talqah la harrah wa la baridah. » تصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة رواه ابن خزيمة وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. Ibn Abbas رضي الله عنهما dit que le prophète عليه الصلاة والسلام a dit au sujet donc de la nuit d'Al-Qadr, donc ليلة تلقى لا حارة ولا باردة, c'est une nuit donc qui est moyenne, pas chaude et pas froide, donc c'est une nuit moyenne qui est donc modérée, c'est une nuit modérée, ni chaude ni froide. Tusbihu ash-shamsu yawmaha hamra'a da'ifa. Le soleil se lève le matin donc rouge et il est faible. Rapporté par Ibn Khuzaymah et Cheikh Al-Albani l'a authentifié rahmatullah alayh. Un autre hadith nous donne encore des signes. An Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhu qala. An Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam إني كنت أريت ليلة القدر ثم نسيتها وهي في العشر الأواخر من ليلتها وهي ليلة طلقة بلجة لا حارة ولا باردة رواه ابن حبان وصححه الألباني رحمه الله. جابر بن عبد الله رضي الله عنه دي que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit donc il m'a été montré la nuit d'Al-Qadr puis elle m'a été fait oublier. Allah a montré la nuit d'Al-Qadr au prophète alayhi salatu wasalam, puis lui a fait oublier. وَهِيَ فِي الْعَشَرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ لَيْلَتِهَا. Elle se trouve donc dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Et c'est une nuit donc modérée, claire. Ni trop chaude, ni trop froid. Donc c'est une nuit qui est donc médiane. Elle est claire, belja. Donc elle est claire cette nuit-là. Elle n'est pas chaude, elle n'est pas non plus froide. Donc c'est une nuit modérée, aussi qui est très calme. Ça c'est un autre signe que l'on tire donc du Coran. Allah dit Salamun hiya hatta matla' al-fajr. Donc c'est une nuit dans laquelle il y a la paix, as-salam, hatta matla' al-fajr, jusque au lever du fajr. Donc on sent de l'apaisement, de la tranquillité. Hein, les gens sont tranquilles. Hein, il y a de l'apaisement général que ressent la personne durant cette nuit-là. Un autre hadith dans lequel on a un signe de plus, An Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu qala wa amaratuha an tatlu'a ash-shamsu fi sabihati yawmiha bayda'a la shu'a'a laha rawahu Muslim. Donc Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu dit et son signe c'est que le soleil se lève donc durant son matin, donc le matin suivant la nuit d'Al-Qadr, bayda, blanche. La shu'a'a laha. Donc bayda, c'est-à-dire elle est claire. La shu'a'a laha. Et elle ne possède pas donc de rayon. Il n'y a pas de rayon. Le soleil se lève vraiment, c'est un disque qui est clair apporté par Muslim. Donc ici on a bayda. Et dans l'autre hadith, on avait hamra. Hein, hamra. Et ici on a bayda. Donc ce sont deux signes. On a ici la blancheur, là-bas la rougeur. Wallah a'lam, je n'ai pas de parole de savants concernant donc comment unir ces deux hadiths-là. Wallah alam, ce sont deux qualités. Il se peut qu'elles soient blanches une fois ou rouges une autre fois, mais Allah alam, je n'ai pas d'explication de savant par rapport à cela. Et dans une version, donc toujours de Muslim, qu'est-ce qu'a dit Ubay ibn Ka'b? Akhbarana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam annaha tatlu'u yawma idhin la shu'a'a laha. Donc le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous a informé que le soleil se lève ce jour-là n'ayant pas de rayon. Donc il n'y a pas de rayon au soleil cette journée-là. Donc ça, ce sont certains signes qui permettent de reconnaître, incha'Allah, la nuit d'Al-Qadr. Donc il y a des signes qui se trouvent pendant la nuit. C'est une nuit d'apaisement, de tranquillité, de paix. Il y a beaucoup d'anges qui descendent, comme ça a été rapporté dans un hadith authentique, bi'adadi hasa'il ard, au nombre, ils descendent au nombre donc de cailloux qu'il y a sur terre. Et donc c'est certain qu'il y a beaucoup de tranquillité durant cette nuit-là. Donc ça, c'est pendant la nuit. Et après, lorsque le soleil se lève, donc le soleil ne possède pas de rayon blanc clair. Et il ne possède pas donc de rayon, comme ça a été cité. Wallah a'lam. Mais il y a des signes que les gens apportent à l'awam, les monsieur, madame, tout le monde. Et beaucoup de croyances, subhanallah, bizarres et infondées qu'ont des gens. Parmi celles-ci, le fait, ils disent que les chiens n'aboient pas pendant Laylat al-Qadr. Donc ça, il n'y a pas de preuve là-dessus. Les chiens n'aboient pas. Aussi, on a beaucoup ça au bled, au Maghreb, notamment au Maroc. C'est qu'il y a un ange qui va descendre et te parler carrément. Ils disent même parfois, c'est Jibril. « Tanazzalul malaikatu ar-ruhu fiha » Et « ruh » ici, comme on dit certains, c'est Jibril, alayhi salam. Donc les anges, et notamment Jibril, donc descendent pendant cette nuit-là. Et ça, nous, on l'entendait, ça. Les gens, ils disaient ça du bled. Pendant la nuit d'Al-Qadr, tu restes réveillé toute la nuit, tu lèves les mains, tu fais du'a, et un ange, il va descendre et te parler. Et ça veut dire que c'est la nuit d'Al-Qadr. Donc ça, c'est, tout ça, c'est batal. Il n'y a pas de preuves par rapport à cela. Il y a beaucoup de signes comme ça, infondés, que les gens apportent. Il y en a aussi, ils disent que tu entends le mot salam, salam de partout. Salam unhiya, hatta matla il fajr. Tu marches dans la rue, tu entends salam, salam, comme ça. Il y a aussi, ça s'est rapporté dans certains livres, un signe qui est batil, nul, de manière certaine, c'est que les arbres retombent. Cette nuit-là, ils se relèvent ensuite tout seuls. Ça, on le trouve dans certains livres. Certains auteurs ont rapporté ça, et ça, c'est mensonger, ça. Ça n'a pas de source. Donc, les signes de la nuit d'Al-Qadr, ils doivent être tirés du Coran et de la Sunna authentique, et de rien d'autre. La majal al-aqli fi hadha al-mawdu', dans ce sujet-là, il n'y a pas d'espace à la raison. On ne peut pas raisonner là-dessus. Pour celui donc qui... Inch'Allah pense avoir atteint Laylat al-Qadr, il est légiféré de faire donc l'invocation suivante que le prophète alayhi salatu wasalam a donné à Aïcha radiallahu anha, même s'il y a une forte divergence sur le hadith, mais on le cite Inch'Allah. An Aïcha radiallahu anha qalat qultu ya Rasulallah ara'ayta in alimtu ayu laylatin laylatu al-Qadr ma aqulu fiha قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني رواه الترمذي وصححه ولأحمد وابن ماجة نحوه عائشة رضي الله عنها دي j'ai dit ô messager d'Allah, vois-tu si jamais je sais quelle nuit est la nuit de Al-Qadr, qu'est-ce que je dis donc durant cette nuit? Il lui dit, dis اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني, ô Allah, tu aimes, ô Allah, tu es donc tout pardonnateur, innaka afuun, donc tu es quelqu'un qui pardonne, tuhibbu al-afwa, tu aimes le pardon, fa'fu anni, pardonne-moi, rapporté par At-Tirmidhi, qui l'a authentifié, et Ahmed ibn Majah ont une version qui est à peu près identique. Donc on a terminé, incha'Allah, la porte concernant le jeûne surrogatoire, et observé la sagesse et la science de cet imam ibn Qudama. Donc comment est-ce qu'il a parlé des règles du jeûne surrogatoire? Il a donc clôturé ce chapitre-là par Laylat al-Qadr pour ensuite donc embrayer sur Bab ou l'I'tikaf, sur la porte de l'I'tikaf, qu'on va expliquer dans le prochain cours, car l'I'tikaf, comme on va le voir, c'est le fait donc de s'astreindre à rester dans une mosquée pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme la nuit d'Al-Qadr est une nuit, inshallah, qu'il faut essayer d'atteindre, il est donc fortement recommandé, notamment pendant les 10 dernières nuits du mois de Ramadan, de faire l'i'tikaf. C'est pour ça qu'il a cité donc ce point, Laylat al-Qadr à la fin du chapitre, donc du jeûne surrogatoire, pour tout de suite ensuite passer au chapitre sur l'i'tikaf, car il y a un lien entre l'i'tikaf et la nuit d'al-Qadr, car par l'i'tikaf, inshallah, nous avons plus de probabilité, inshallah, d'atteindre la nuit d'al-Qadr, qu'Allah nous permette, inshallah, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.